Vous suivez la radio Isanganiro, bienvenue chers auditeurs et auditrices. Et dans ce journal, dont voici les titres. Les fonctionnaires partant la retraite seront désormais munis de lettres et d'actualisation de leur carrière pour les faciliter à obtenir les indemnités, annonce de Venis Temuyabaga, ministre de la fonction publique et du travail et de l'emploi à Rumonge ce lundi. Le Conseil national des églises et du Burundi SNEB demande à la Commission nationale indépendante CENI de veiller à ce que les prochaines commissions communales soient inclusives. Vous entendrez dans ce journal le secrétaire général de SNEB, Sylvestre Bizimana. Une maladie non encore diagnostiquée pour le moment a déjà fait un mort sur la colline Nyakimoni en commune Mugamba de la province Bururi. Certains pensent à la variole du singe. Voilà pour les titres. François Akimana assure. François Akimana sur la mise en onde et Jean-Marie Mayonga à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue dans ce journal et Jean-Claude Kavumbago. Isanganiro. Encore une fois, bienvenue. Il est déplorable d'entendre que les journalistes de la radio Bonesha et la radio-télévision Isanganiro ont été interdits de couvrir l'audience publique du procès Kenny Claude Nduimana ce mardi au tribunal de grande instance de Mukadza, mairie de Bujumbura. C'est la réaction de Jean-Claude Kavumbago, journaliste expérimenté et directeur des publications du journal en ligne NetPresse. Pour lui, le siège voulait empêcher aux journalistes d'être au courant des révélations qui n'étaient pas de nature à faire plaisir aux personnalités impliquées dans ce procès. Suivez-le. Quand une audience est qualifiée de publique, c'est-à-dire que tout le monde a accès à cette audience. En d'autres termes, que l'on soit journaliste, que l'on soit parenté du détenu, que l'on soit une personne totalement quelconque, on a droit à assister à cette séance et même de se faire une opinion sur le déroulement de la séance. En d'autres termes, il n'y avait aucune raison que l'on empêche des journalistes d'assister à cette séance, surtout que c'était un confrère dont il devait comparaître. Il n'y avait aucune raison de la part de la présidente du siège. Bon, un tel comportement, c'est-à-dire il doit y avoir le contenu de l'audience donc, qui n'était pas de nature à faire plaisir aux autorités et qui devait être caché au public. Mais cela, c'est même un effort inutile. Pourquoi ? Parce que même les gens qui étaient là, qui ne sont pas des journalistes, vont rapporter ce qui a été dit. Donc les journalistes ou les autres populations sauront ce qui a été dit, même si on a voulu cacher la réalité. Jean-Claude Kavumbago dit aussi être choqué par le fait que les journalistes soient malmenés jusqu'à être emprisonnés par certaines autorités administratives et policières ces derniers jours. Ce confrère y voit une intention de faire taire les journalistes tout en rappelant que ces derniers ne pas céder à ces intimidations et de continuer à prester dans le strict respect de la loi sur la presse. Encore une fois, Jean-Claude Kavumbago. Effectivement, il y a une sorte d'intimidation des journalistes ces derniers jours, probablement parce que nous sommes à la veille des élections législatives et communales de l'année prochaine. Je sais qu'il y a un journaliste qui a failli être enlevé ici à Kamenge. Il y a un journaliste de la radio-télévision Isanganiro qui a des difficultés actuellement dans la province de Gitega. Il y a un autre journaliste d'Iwacu qui a été persécuté, toujours à Gitega. Des journalistes qui ont été intimidés par des jeunes à Rumonge. Il y a des projectiles qui ont été jetés sur le siège du journal Iwacu. Il y a dernièrement un journaliste du magazine Jimbele qui a été emprisonné. Donc c'est vraiment déplorable de la part de ceux qui intimident les journalistes. Pourquoi ? Parce qu'au départ, celui qui s'occupe de la justice est connu. Ce n'est pas l'administrateur, ce n'est pas un jeune imbonerakure, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont vraiment donc désignés pour s'occuper de la justice au Burundi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est dommage. Bon, alors, il faut dire que même les journalistes ne sont pas décents. Il y a des journalistes qui abusent probablement. Je n'ai pas de cas pour le moment, mais certainement qu'il doit y en avoir. Je voudrais demander à tous les journalistes d'être vraiment professionnels pour faire correctement leur travail, parce que ce sont des citoyens comme tout le monde, ce sont des patriotes, après tout, qui sont des références de la société. Jean-Claude Kavumbago, journaliste expérimenté et directeur des publications du journal en ligne NetPresse. Page politique, organisation en Europe et Burundi, trouvez qu'il est essentiel pour les prochaines échéances électorales ne sera que le démembrement de la Commission électorale nationale indépendante respecte la volonté des électeurs. Réagissant à la récente mise en place des nouvelles commissions provinciales indépendantes CPI, le coordinateur général et porte-parole de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès appelle toutes les parties prenantes à œuvrer pour la paix dans ce processus. Alors que certains partis politiques déplorent n'avoir pas été représentés, Sulpice Ngurikiye dit être satisfait de la représentativité de l'Europe. Suivez-le. Pour l'Europe Burundi, le but ultime est que toutes les personnes choisies comme membres de la commission électorale provinciale indépendante CPI n'est pas mandatée pour servir l'organisation de son ressort. Celui qui nous a représenté, par exemple, à Utanyerera, n'a pas la mission de travailler pour l'Europe Burundi, mais il a la mission de travailler pour la commission électorale nationale indépendante. C'est contribuer à préparer les élections en bonne et due forme dans sa province et au niveau national. Pour dire que ceux qui ont été choisis doivent travailler pour toute la population burundaise, ce qui est nécessaire, et d'observer de près les élections pour que celui qui est parvenu à obtenir des voix considérables soit établi dans ses droits comme les électeurs l'ont choisi. Atel enseigne que pour tous les bureaux de vote, les voix de tous les partis politiques ou des indépendants soient connues, ni moins ni plus. Sans traumatisme, le plus important, c'est que chacun contribue à la préparation des bonnes élections avant, pendant et post tout scrutin en faveur du développement intégré du peuple Murundi. Les membres de la CPI doivent s'appuyer sur le mandat de travailler dans l'indépendance totale à travers la loi électorale, la constitution du Burundi et d'autres textes et lois en vigueur au Burundi pour qu'avant les élections règne la paix, la sécurité, le développement et la justice pour tous. Sulpice Ngurikiye, il est le coordinateur général et porte-parole de l'Europe Burundi. Toujours en politique, le Conseil national des églises de Burundi, SNEB, demande à la Commission nationale indépendante CENI de veiller à ce que les prochaines commissions communales soient inclusives. Le secrétaire général du SNEB trouve que les commissions provinciales récemment mises en place n'ont pas été effectives et inclusives. Sylvestre Bizimana indique que le Conseil national des églises du Burundi avait proposé une liste des prétendants vers ces commissions, mais personne ne fait partie de ces démembrements. Suivez Sylvestre Biziman. Nous avons présenté nos propositions à la CENI. Jusqu'à présent, on n'a pas vu une ou des personnes qui ont été nommées parmi les leaders qui avaient été proposés. Mais quand cela nous tient, nous disons, ce qui est important, c'est que les commissions qui ont été mises en place travaillent bien. Nous comprenons les lamentations des uns des autres. C'est parce que, et en particulier les partis politiques, chaque parti veut gagner les élections. Mais vous savez, la situation que nous avons traversée, on a déjà traversé les moments de méfiance. C'est tout à fait normal parce que, se basant sur le passé, il est tout à fait normal qu'ils se plaignent. Et si certains n'ont pas été représentés, est-ce que vous voyez les conséquences pour cette situation? Oui, les conséquences pour un pays comme les Burundais ou la cohésion sociale n'est pas encore optimale. C'est tout à fait normal que les gens se lamentent, qu'ils disent non, il y a ceci et cela. Nous disons qu'il y a encore la chance parce qu'il y a encore les commissions communales qui ne sont pas encore mises en place. Il y a aussi la porte pour les observateurs. Prochainement, c'est la mise en place des commissions électorales communales indépendantes. Qu'est-ce que vous recommandez? Je pense que la CENI est en train de récolter des informations. Je demanderai qu'ils essaient de tout faire. Les membres de ces commissions au niveau provincial essaient de tout faire pour nommer des commissions communales qui sont vraiment inclusives, d'inclure tout le monde, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, pour que les résultats des urnes soient vraiment beaucoup plus crédibles et acceptés par tout le monde. Toujours dans le domaine de la politique, les habitants de la zone Mitakataka commune et province de Ubanza dénoncent les intolérances politiques qui commencent à se manifester dans cette localité. En effet, la permanence du parti Sawanya Frodebu a été souillée Samedi, en date du 6 juillet cette année, les militants de ce parti réclament les enquêtes afin d'identifier les coupables. Le chef de zone, Mita Kataka, assure qu'elles sont en cours. Spécialitas Kabanyan. Tous les membres des partis politiques rencontrés à Mita Kataka s'indignent contre ce qui a été fait sur les murs de la permanence du parti Sahwanya Frodebou la semaine dernière, où tous les écrits ont été effacés par des liquides noirs communément appelés mobiles. Ils demandent que ceux qui ont manifesté ce genre de comportement soient recherchés et sanctionnés conformément à la loi une fois identifiés. Et ils appellent ce genre de comportement intolérance politique qui commence à se manifester en ce moment où on approche les élections de 2025. De son côté, Jacques Nichitegese, chef de zone Mita Kataka, tranquillise et précise que les enquêtes sont en cours. Il indique qu'à part cet incident qui s'est manifesté à la permanence du parti Sahwanya Frodebou, il y a une bonne cohabitation des membres des partis politiques et il les appelle à renforcer cette bonne cohabitation. Au niveau de l'administration provinciale, on précise qu'il y a un forum des partis politiques, une réunion qui se tient chaque trimestre et des conflits éventuels sont résolus à temps, selon Jean Bosco Nduwimana, chef de cabinet du gouverneur de Bubanza. Spécialitas Kabanyana, en zone Mita Kataka, pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro Journal continue. Les fonctionnaires partant à la retraite seront désormais munis des lettres d'actualisation de leur carrière pour les faciliter à obtenir les indemnités y afférentes. Veniste Muyabaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, l'a dit à Rumonge ce lundi, réagissant aux lamentations observées au sein de cette catégorie de fonctionnaires l'année dernière. Cette autorité ministérielle informe que c'est une situation causée par le fait que les gens parties à la retraite étaient plus nombreuses que les années précédentes. Jean-Pierre Misago. Selon le représentant communal du syndicat qu'on appelle Sarumongue, les enseignants partis à la retraite le 30 juin 2023 n'avaient pas de lettre d'actualisation de leur carrière et n'ont pas par conséquent obtenu à temps les indemnités y relatives. Innocent Douimana, représentant ce syndicat, voudrait que cette situation ne se reproduise plus. Une autre question soulevée par ce syndicaliste a été de savoir à quand la levée de la mesure suspendant la retenue sur leur salaire des cotisations des membres syndicaux. Lors de sa descente à Rumonge ce lundi, Venuste Muyabaga, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, par rapport à la non-disponibilité à temps des lettres d'actualisation de la carrière pour les gens partant à la retraite, dit que c'est une situation due au fait que l'âge à la retraite a été ramené à 60 au lieu de 65 ans et un grand nombre de fonctionnaires se sont retrouvés dans cette catégorie sans la disponibilité préalable de leurs lettres. Mais le ministre Muyabaga dit que ceux qui les ont demandés par après les ont obtenus et rassure que son ministère s'active pour que cela ne se reproduise plus. À la question de savoir à quand la levée de la mesure suspendant le retrait à la source des cotisations syndicales, Venuste Muyabaga répond que des listes actualisées des membres syndicaux sont exigées à chaque syndicat et les syndicats qui se sont déjà exécutés sont en train d'être rétablis dans leurs droits et demande aux syndicats qui ne l'ont pas encore fait de s'y conformer. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Rendons-nous dans la province de Bururi, dans le domaine de la santé, où un enfant sur trois ayant attrapé une maladie jusqu'ici inconnue est décédé il y a une semaine. Ces enfants d'une même famille de la colline Nyakimonyi en commune Mugamba de la province de Bururi ont consulté les structures des soins avec des éruptions cutanées, de la toux et une fièvre élevée, selon le médecin directeur provincial de la santé à Bururi. Docteur Vénéra Nyambikiye dit que même cette maladie n'est pas encore diagnostiquée. Il est déjà maîtrisé car les deux enfants qui restent sont en bonne santé. Au moment où certains pensent à la variole du singe, Dr Vénéra Nyambikiye dit qu'on attend les résultats des examens de laboratoire Zenon Zambimane. C'est une fille de 9 ans qui est déjà morte suite à cette maladie jusqu'ici inconnue. Une maladie qui a déjà attaqué 3 enfants d'une même famille de la colline de Nyakimonya en commune Mogamba de la province de Bururi. Selon le docteur Vénérant Nyambi qui est médecin directeur provincial de la santé à Bururi, cette fille avait consulté la clinique privée de Muramba dans cette même commune de Mogamba le 7 de ce mois en cours. Avec des éruptions cutanées généralisées, une toux et une hyperthermie à 40,1 degrés Celsius. Mais cette fille est morte le 9 de ce mois en cours, alors que la clinique avait déjà décidé son transfert vers d'autres structures de soins. Vénérable Nyambikié fait savoir que cette maladie, qu'on n'a pas encore diagnostiquée par les examens de laboratoire, est aujourd'hui maîtrisée, car les deux frères de cette fille qui est décédée sont en train d'être soignés un à l'hôpital d'Igenda, un autre à l'hôpital d'Omatana, et leur état de santé évolue très positivement. Au moment où certains craignent qu'il s'agirait d'une maladie appelée variole de singe, Dr Vénérant Nyambikié fait savoir qu'on attend encore les résultats des examens de laboratoire pour donner des précisions sur cette maladie. Il appelle la population de la province de Bururi à consulter toujours les structures de soins en cas de maladie. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno Nzambimana. Et le manque de routes macadamisées qui relie le chevalier de la province Changuzo, commune frontalière avec la Tanzanie, est un handicap majeur au développement de cette province. D'après Salvatore Bigirimana, député élu en province Changuzo, c'est lui, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues, surtout pour la route Changuzo-Mishiha et Changuzo-Gisagara. En attendant que ces routes soient asphaltées, ce député demande qu'elles soient réhabilitées puisqu'elles sont devenues impraticables. L'agence routière du Burundi a promis cette alternative. Raymond Mudende pour les détails. Il s'agit des routes qui relient le chef-lieu de la commune Changuzo à Gisagara, Changuzo Mishiha et Changuzo Chendajuru, qui sont actuellement devenues impraticables suite à leur mauvais état. Même la route Changuzo Mishiha, où les travaux de réhabilitation avaient commencé sans être achevés, est devenue encore impraticable. Salvatore Bigirimana, député élu en province Changuzo, constate que l'absence des routes macadamisées qui relie le chef-lieu de la province Changuzo aux communes frontalières avec la Tanzanie, perturbe les activités de développement de cette province. Il parle notamment du commerce transfrontalier qui est paralysé. Frédéric Nzoïsava, adjoint de la commune Mishiha, dit que l'absence d'une route macadamisée reliant le chef-lieu de la province Changuzo à la commune Mishiha empêche les hommes d'affaires d'investir dans sa commune, disposant de beaucoup d'atouts, car se situe tout près de la Tanzanie. L'honorable Salvatore Bigirimana demande alors à l'État de promouvoir la réhabilitation de ces routes en attente des routes macadamisées. Et au niveau de la communication de l'agence routière du Burundi, l'on indique que les travaux de réhabilitation de ces routes sont effectivement prévus dans les prochains jours. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Page commerce à présent, les consommateurs de l'avocat à mairie de Bujumbura se plaignent de constater que son prix a augmenté, passant de 500 francs burundais à un prix variant entre 1500 et 2000 francs burundais la pièce. Les vendeurs de ce fruit expliquent la montée du prix des avocats par la pénurie du carburant pour les véhicules qui les amènent à Bujumbura à partir de l'intérieur du pays. Jean-Marie Vianney pour les détails. Certains habitants de la ville de Bujumbura qui aiment consommer l'avocat sont inquiets de la hausse du prix pour ce fruit. Ils précisent qu'un avocat qui s'achetait à 500 francs bou dans le passé s'achète pour le moment entre 1500 et 2000 francs bou. La hausse du prix de l'avocat est une réalité criante. On observe effectivement la montée partout où on constate que le prix de l'avocat qui était auparavant à 500 francs coûte actuellement 1500 voire 2000 francs bou. Aujourd'hui, si tu vas au marché pour acheter un avocat, on vous demande 2000 francs ou bien 1500 francs, alors que au temps passé, cet avocat se vendait à 500 francs burundais. Une situation déplorable selon cette population confrontée à l'inflation des denrées alimentaires, l'avocat y compris. Les conséquences en sont vraiment parce que vous savez, dans la coutume burundaise, sur la suite dans Burundi, vraiment consommer l'avocat, c'était une chose vraiment qui était comme une habitude dans Burundi. Alors, si vous manquez cet avocat vraiment, vous consommez d'ailleurs une assiette sans même avoir de l'appétit. C'est très inquiétant, de sorte que nous les consommateurs, nous sommes au point vraiment de délaisser à consommer tout ce d'arrêt. Cette hausse de prix a un impact négatif sur la vie globale de la population parce que ce fruit qui était censé pour le bien-être de la santé devient un aliment pour la bourgeoisie, alors que ça pourrait contribuer pour la nutrition des personnes. Ces derniers indiquent que la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays serait à l'origine de cette flambée du prix d'avocats. Ils disent que le manque du carburant serait quand même à l'origine acheminée des avocats comme quoi Agitega vers le Bujumbura. Ça demande beaucoup de moyens. Les vendeurs de ce fruit, quant à eux, faut savoir qu'ils s'approvisionnent au prix exorbitant à ce qui importe, c'est d'aller à l'intérieur du pays. Que ce soit les consommateurs ou les vendeurs de ce fruit, tous demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème de la hausse des prix d'avocats. Parle, rassure-moi. La chronique Parle et rassure-moi nous parle de l'encouragement du dialogue pour la paix. Les habitants de la colline Malega, commune Mugui de la province Cibitoke, estiment qu'en l'absence de dialogue et alors qu'il y a des conflits, les communautés sont plongées dans des cycles de violence. De son côté, Sylvie Sengiyumva, expert en résolution pacifique des conflits, suggère aux partis en conflit de toujours privilégier l'intérêt général et de ne pas camper chacune sur sa position afin de trouver intérêt d'entente. Mireille Kanyang. Amorcer un dialogue n'est pas toujours aisé entre les protagonistes car chacun a peur de l'autre. Malgré cela, il faut prioriser l'intérêt général, selon Sylvain Nsengiyumva, expert en résolution pacifique des conflits. Un dialogue basé sur les intérêts des parties en conflit permet l'établissement de nouvelles relations, l'amélioration de la communication. Il y a des projets qui naissent, de développement qui naissent. On dit souvent aussi qu'en fait, une bonne gestion des conflits nous aide à établir l'identité des gens, la coalition des gens, et ce que veut l'autre. Les conflits sont nécessaires parce que ces conflits, une fois résolus de manière pacifique, basés sur les intérêts des parties, dans ce cas-là, il y a le développement du pays, il y a le développement des communautés, il y a le développement de la famille. Il y a ce qu'on appelle stratégie et ici des disputes. La première stratégie, c'est l'impasse. Moi, je ne vais pas dialoguer, parler avec l'autre partie parce que je me sens en position de force. Donc, je suis capable de renouer. Et l'autre dit la même chose. Et dans ce cas-là, l'issue, c'est quoi la conséquence? Les deux parties perdent. On a vécu ces cas ici au Burundi. On n'a pas voulu négocier. On a usé de la force. La deuxième stratégie, c'est la compétition. Je me sens en position de force. Je suis capable de le neutraliser. Donc, je vais utiliser la force. Il y a des cas qu'on observe ici dans notre pays, aussi dans la famille. Sur base de ces explications, des habitants de la colline Manégué, en commune Mugui de la province Cibitoke, affirment que si le dialogue, la communauté, les institutions, voire le pays sont en paix. Si c'est l'inverse, la haine envahit les cœurs et les violences s'ensuivent. Quel devrait être le comportement de la population s'il y a des conflits? Des explications de l'expert en résolution pacifique des conflits. Il faut faire un pas et l'autre fait un pas et dialoguer ou bien promouvoir un dialogue basé sur le vrai problème, identifier les vrais acteurs du problème parce que ce n'est pas tout le monde. Comprendre aussi les intérêts des uns des autres. Parce que les intérêts, ce n'est pas toujours matériel. Il y a trois types d'intérêts qui sont interdépendants. Il y a l'intérêt matériel, substantiel, bien sûr, lié au matériel. Il y a l'intérêt psychologique. L'intérêt psychologique qui parle plus d'équité, de considération dans la communauté. Et on dit Jokuki. Melkia Denzo Kizwanayo, administrateur de la commune Mugui, suggère aux partis en conflit de peser le pour et le contre, de surpasser chacun sa nature, ainsi prévenir des violences de masse. Merci à Mireille Kanyang. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, le programme sur la radio Isanganiro continue. Au revoir.